Kestana. Salut, Jiu. Jiu. Julio. Junior. Je fais un test. Oh, can I just sit the rock away? Just to leave without a dress. When I'm standing talking every breath with you. Oh, you're the only one waiting in your mind. Oh, can you just walk away from me? When I've got the words to leave, cause we're just. Tu vas trouver la gamme. You found the tune. On va se faire une balade. On va tester un truc là, on va voir ce qu'on va faire. On va faire un truc. Je vais le recaler, Je vais le recaler.